Bismillah ve elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men ittaba'a huda. Amma ba'du fa. Aujourd'hui le 27 du mois de Zulqa'da de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous entamons le 21e cours, notre série de cours sur le commentaire des fondements de la sunna de l'imam al-mubaddal Ahmed ibn Mohammed Ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullahu ta'ala. Le cours d'aujourd'hui traitera de l'obéissance aux autorités, l'obéissance aux gouverneurs. Il dit, rahimahullahu ta'ala, dans le sens de ses paroles, écouter et obéir aux imams. Ici, le terme imam désigne le gouverneur, celui qui gouverne les musulmans, et à l'émir des croyants. Qu'il soit pieux ou pervers, qu'il ait accédé au califat par consentement des gens unis autour de lui, ou qu'il les ait vaincus par l'épée, jusqu'à ce qu'il soit devenu calife et appelé émir des croyants, prince des croyants. Ici, je vais me contenter de plusieurs sujets qui traitent de l'obéissance au gouverneur et de certains sujets secondaires qui touchent à ce sujet qui fait partie des fondements de la sunna, comme vous allez le voir, qui est un sujet qui est évoqué dans l'ensemble des épîtres traitant des fondements de la sunna, qui a été évoqué par l'ensemble de nos imams qui ont écrit sur ce sujet, qui est un sujet très important. Et je vous rappelle simplement que il y a à peu près 2 ans, on avait fait une série de cours ici dans cette mosquée sur les caractéristiques principales des gens de la sunna et du groupe. Et j'avais traité de plusieurs sujets dans cette série que je vais évoquer ici, mais bien sûr, le cours, comme vous le savez, est une explication ou un commentaire du commentaire de Al-Sheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi de ce livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc je me contenterai des sujets qui ont été évoqués ici. Peut-être que j'évoquerai certains sujets secondaires, mais pour plus de détails, pour connaître cette caractéristique principal, ce fondement des gens de la sunna, revenez à cette série de cours. Ici, Al-Sheikh Rabi' Hafidahullah dit, dans le sens de ses paroles, en commentaire à cette parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, écouter et obéir à l'émir des croyants, qu'il soit pieux ou pervers. Il n'est pas autorisé de s'insurger contre celui autour duquel la communauté s'est unie et qui a atteint le grade de calife. Et ce, même s'il a obtenu son autorité par l'épée, en s'insurgeant contre l'imam qui l'a précédé jusqu'à l'avoir dominé et avoir instauré son état. Car si tu t'insurges contre lui une deuxième fois, un autre le fera une troisième fois, et un autre une quatrième fois. La communauté vivra un conflit d'insurrection perpétuelle. Puis il dit, à l'origine, il n'est pas permis de s'insurger si Allah permet qu'une personne s'insurge contre une autorité et acquiert la victoire sur son état, et qu'un nouvel état s'érige sur les ruines du précédent, les musulmans doivent alors se limiter à celui-ci ou à cela, et accepter l'autorité du plus fort. Que cette dominance se passe par un choix, une consultation et un serment, ou par la force, cela est identique. S'il accède à l'autorité par l'épée et qu'il est devenu fort et puissant, tu dois lui obéir et éviter l'effusion du sang des musulmans. Que l'autorité soit pieuse ou perverse, on doit lui obéir. Puis il dit, Havidahullah, regarde l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari et tous les imams. Ils en ont fait un des principes de l'islam. Obéir aux autorités musulmanes constitue donc un principe de l'islam. Et ce, qu'elles soient pieuses ou perverses. Ici, cette parole de Shir, lorsqu'il dit « Regarde l'imam Ahmed, l'imam al-Bukhari et tous les imams ». Rappelez-vous, au début de notre série de cours sur les fondements de la sunna, j'avais rappelé une parole de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui est rapportée par l'imam Hibatullah al-Lalaka'i, rahimahullah azza wa jal, dans son livre « Sharh Usul al-I'tiqad », où il réunit dans ce livre les fondements de la croyance des gens de la sunna, et dans un passage de ce livre qui est édité en 5 volumes, 5 gros volumes pour la plupart des éditions, Dans un passage de ce livre, il rapporte la croyance des imams de la Sunna. Il rapporte la croyance de l'imam Ahmed, cette croyance que nous lisons aujourd'hui, la croyance de l'imam Ali ibn al-Madini, de l'imam al-Bukhari, de l'imam al-Awza'i, de grands imams de la Sunna. Et j'avais rapporté, si vous vous rappelez, le début de la croyance de l'imam al-Bukhari, où il disait, j'ai rencontré tant et tant de mes professeurs, de mes chouyours, de telle et telle contrée, de l'Hijaz, de Cham, de l'Égypte, etc., etc., ils étaient tous sur cette croyance. Et ça, c'est l'introduction de la croyance de l'imam al-Bukhari. Puis, il rapporta la croyance des gens de la Sunna, sur laquelle il a trouvé l'ensemble de ses professeurs. Donc ici, lorsque j'avais rapporté cette parole, comme vous le savez, c'était pour mettre en évidence que l'ensemble de ces imams, des imams de l'islam, étaient sur la même croyance, sur les mêmes fondements. Ils étaient tous d'accord pour s'accorder, ou ils s'étaient tous accordés, ou ils étaient tous d'accord pour mettre en avant que ces fondements sont les fondements de l'islam, sont les fondements de la sunna. Et ici, l'imam Ahmed a rappelé ce fondement qui a été évoqué aussi par l'imam al-Bukhari dans ce traité, qui a été évoqué par nombre et nombre d'imams, et comme je l'ai dit, par l'ensemble des imams de la sunna qui ont écrit des épîtres traitant des fondements de l'islam, des fondements de la croyance du musulman. Comme cela, vous trouvez par exemple la parole de l'imam al-Tahawi rahimahullah, qui était aussi un grand imam des imams de la sunna, qui rapporte dans son traité, qui est appelé At-Tahawiyya, donc, par rapport à lui-même, At-Tahawi, où il dit dans le sens de ses paroles, et bien sûr j'évoque cette parole de l'imam At-Tahawi, car il est connu, son traité est connu, comme vous le savez, mais comme je l'ai dit, l'ensemble des imams ont traité de la même chose et ont rapporté les mêmes paroles dans leurs épîtres. Il dit, nous ne voyons pas, dans le sens de ses paroles bien sûr, rahimahullah, nous ne voyons pas, ceci n'est pas notre avis, nous ne voyons pas, c'est-à-dire nous les gens de la sunna et du groupe, Ahlus Sunnati wal Jama'a, nous ne voyons pas la révolte contre nos imams, ceux qui détiennent le commandement parmi nous. Et ceci même s'ils sont injustes. Faites bien attention à cette parole, on va le détailler dans nos cours. Comme l'a dit l'imam Ahmed ici, écoutez et obéir aux imams et à l'émir des croyants, qu'ils soient pieux ou pervers, qu'ils commettent de l'injustice ou non. Donc qu'ils soient pieux ou pervers, qu'ils commettent de l'injustice ou qu'ils soient justes, comme nous allons le détailler dans la suite du cours. Puis il dit, rahimahullah, donc at-Tahawi, même s'ils sont injustes, nous n'invoquons pas contre eux. Je vais détailler aussi cette affaire, ce sujet-là, peut-être dans le cours d'aujourd'hui, peut-être dans le prochain cours, en ce qui concerne le fait d'invoquer pour les gouverneurs et non contre eux. Chose que certaines personnes parmi les ignorants peuvent estimer, estiment même, comme étant de l'hypocrisie de certains imams, de certains savants, de certains étudiants, des gens de la sunna, lorsqu'ils invoquent, par exemple, le jour du vendredi, sur le minbar, pour les gouverneurs des musulmans, et non contre eux. Ces ignorants et ces innovateurs parmi les groupes et sectes égarés, parmi les frères musulmans et autres, estiment que ceci est de l'hypocrisie. Et ils insultent les savants de la sunna et ceux qui suivent ce chemin, cette voie, la voie du Qur'an et de la sunna selon la compréhension de nos pieux prédécesseurs, as-salafu salih, ridwanallahi alayhim ajma'in. Ils estiment que ceci est de l'hypocrisie et ils les insultent à cause de cela. Donc, l'imam al-Tahawi qui dit ici, et il n'invoque pas contre eux. Et il ne retire pas leurs mains de leur obéissance. Et nous voyons que l'obéissance des gouverneurs fait partie de l'obéissance que nous devons à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'elle est obligatoire. À partir du moment où il n'ordonne pas de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, comme vous le savez, ceci est la condition de l'obéissance au gouverneur, du moment qu'il n'ordonne pas une désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous invoquons pour eux nous avons con en leur faveur et non contre eux, comme il l'a évoqué précédemment. Ceci est la parole de l'imam Tahawi. Et comme je l'ai dit, je l'ai évoqué bien sûr de manière non exhaustive, car l'ensemble des savants de la sunna, des imams de la sunna, qui ont écrit des traités sur les fondements de l'islam, les fondements de la sunna, les fondements de la croyance du musulman, la croyance authentique, ont évoqué ce fondement de la même manière, avec les mêmes conditions et les mêmes paroles. Ici, revenons à la parole de Cheikh Rabi' Hafidahullah dans son commentaire, lorsqu'il dit « À l'origine, il n'est pas permis de s'insurger. » Donc ceci est interdit chez les gens de la sunna, le fait de se révolter contre le gouverneur, de s'insurger contre lui. Nous allons voir dans le cours aussi qu'est-ce que veut dire l'insurrection contre le gouverneur. Le fait que l'insurrection n'est pas forcément par l'épée, mais elle commence bien souvent avant d'en arriver à l'épée, c'est-à-dire avec les armes, par l'insurrection, par la langue, par des mots, comme nous allons le voir, comme nous l'avons vu précédemment. Ceci est très important, barakallahu fikoum. Ce que je veux expliquer ici, c'est sa parole lorsqu'il dit que cette dominance se passe par un choix, une consultation et un serment, ou par la force. Ici, Ash-Shir évoque certaines choses par lesquelles une personne peut arriver au pouvoir. Et ces chemins menant au pouvoir, à la dirigeance des musulmans, sont chez les savants de la sunna de trois sortes. C'est-à-dire comment une personne peut être, on ne dit pas élu, puisque élu impliquerait qu'il y ait des élections. Et vous le savez, le vote, les élections, n'a rien à voir avec notre religion. Mais on dit comment une personne peut être placée à la tête des musulmans, comment une personne peut arriver à la tête des musulmans et devenir l'imam des musulmans, le gouverneur des musulmans, et autres appellations qui peuvent être données aussi aujourd'hui. Et ceci est une grande ambiguïté qui est répandue par les gens de At-Takfir et de l'Khuruj, c'est-à-dire de l'insurrection contre le gouverneur, le fait que du moment que les musulmans ne sont pas réunis sous un seul califat, sous une seule personne, sous un seul gouverneur, eh bien, on ne doit l'obéissance à personne. Plutôt, ceci est une ambiguïté et une innovation que n'ont pas connue les gens de la sunna, les savants de l'islam, pendant des centaines d'années. Comme je le détaillerai un peu plus tard. Donc, comment une personne peut être mise à la tête des musulmans? Comment une personne peut arriver à la tête des musulmans? De trois manières chez les gens de la sunna. Soit par le fait que le gouverneur précédent indique qui sera son successeur. C'est ce qu'on appelle al-ahd. Souvent, vous entendez wali ul-ahd, hafidahullah. Par exemple, l'émir Mohammed ibn Salman, fils Saoudia, Daoulat al-Tawhid wa Sunnah, harasahallah, est wali ul-ahd. Et le roi, celui qui commande, est al-Malik Salman. Il a mis en wilaya de l'ahd, c'est-à-dire la personne qui le succédera après lui, son fils, Mohammed, le fils de Salman. Hafidahumullah wa waffaqahum lima yuhibbu wa yardah. De même que dans certains autres pays, comme par exemple au Maroc, nous voyons que Al-Malik Mohammed al-Sadis, Hafidahumullah wa waffaqahum lima yuhibbu wa yardah, a mis en wilayat al-ahd son fils, Hassan, Hafidahumullah. Donc ceci est une des voies légiférées qui fait partie des voies des gens de la sunna pour placer la personne qui dirigera les musulmans. C'est ce qu'on appelle l'ahd, donc le fait de désigner une personne qui succédera, c'est-à-dire que le gouverneur actuel désigne une personne qui lui succédera après lui. C'est ce qu'on appelle wali l'ahd. La deuxième des manières qui est connue chez les gens de la sunna est le choix d'un groupe de personnes, pour succéder à ce gouverneur. C'est-à-dire que ce gouverneur choisisse un groupe de personnes et ils devront choisir entre ces personnes, se concerter les uns les autres. Qui se concerte? Ici, on va en parler, ceci est très important. Et c'est aussi une Grande ambiguïté pour beaucoup de gens parmi les gens de la masse des musulmans qui disent « Moi, je n'ai pas choisi ce gouverneur. » Mais qui es-tu, toi, pour choisir le gouverneur ? Est-ce que tu fais partie de l'une des personnes de cet édifice, qui est l'édifice des musulmans, qui sont comme l'a appelé notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans sont comme, ou les croyants sont comme un édifice. Est-ce que tu es une brique de cet édifice ou tu es quelqu'un qui est à côté de cet édifice ? Loin de cela. Qui es-tu, toi, pour te permettre de dire « Je n'ai pas choisi cette personne, donc je ne lui obéis pas. » Plutôt, les musulmans, en tant qu'édifice, suivent les gens qui les dirigent, ceux qui sont à leur tête. Ici, on ne parle pas simplement du dirigeant qui est à leur tête, mais ceux qui font partie des gens qui ont le pouvoir. Quand on parle du pouvoir, on parle de la force. La force, comme par exemple les généraux des armées, etc. De même que ceux qui ont la raison droite et juste. Parmi eux, les savants de la communauté. C'est ce qu'on appelle « Ahlu al-halli wal-aqd ». Ahlu al-halli wal-aqd, c'est-à-dire donc cette deuxième manière de mettre, de placer un gouverneur ou qu'un gouverneur arrive au pouvoir par le choix de ces gens qu'on appelle ahlu al-halli wal-aqd, qui sont les gens qui ont la force, le pouvoir, parmi les généraux des armées, etc., ce pouvoir-là, de même ceux qui ont la raison juste et droite, qui sont les savants de la communauté. Par quelle raison va-t-on juger de la meilleure personne à nous diriger ? Par la raison de tout à chacun parmi les musulmans, du chanteur, un tel qui dans ses chansons profère des obscénités et des insanités, qui fait partie des musulmans, c'est un pervers parmi les musulmans, mais il fait partie aussi de cet édifice. On ne dit pas que cette personne-là sort de l'islam parce qu'il commet telle et telle perversion, mais est-ce qu'on va juger de celui qui va nous diriger, prendre son avis à une personne qui en réalité n'a pas toute sa raison ? Lorsque tu entends les obscénités et les insanités qu'il profère, ou d'un tel parmi les acteurs qui jouent dans telle et telle série ou film, etc., ou un tel et un tel parmi les pervers, ou un tel et un tel parmi les gens qui, alhamdoulilah, ne sont pas parmi les pervers, qui sont des personnes intègres, mais qui n'ont pas de science religieuse. Une personne parmi les musulmans qui est quelqu'un d'intègre, mais qui n'a pas de science religieuse parmi les gens de la masse. Est-ce que c'est cette personne-là que l'on va attendre pour nous indiquer qui sera la meilleure personne pour nous gouverner ? Plutôt, les gens de la masse des musulmans, de cet édifice, suivent les gens qui les dirigent. Et lorsqu'on dit les gens qui les dirigent, ce sont ces personnes « ahlul halli wal aqd » comme je viens de l'expliquer. Donc au moment où ces personnes-là qui ont été désignées, donc c'est-à-dire que le gouverneur passé a désigné un groupe de personnes, et que ces gens qui sont à la tête des musulmans, Ahlul Halli wal Aqd, se réunissent autour d'une personne et le désignent comme personne pour succéder parmi les gens que cette personne-là, cet ancien gouverneur avait désigné, eh bien cette personne-là devient le gouverneur des musulmans. Et l'ensemble des musulmans, de, bien sûr comme on va le citer plus tard, à hauteur donc ce que nous trouvons dans nos pays, les pays musulmans de nos jours et ce depuis des siècles, chacun gouverneur de son pays ou de sa contrée. Et ce sujet, je le traiterai dans le cours d'aujourd'hui ou le cours prochain, inshallah ta'ala. Donc pour mettre à la place de gouverneur ce gouverneur. Car comme je l'ai dit, et je le redis, les élections avec un vote, avec des partis politiques, etc., etc., tout ça n'a rien à voir avec l'islam, tout ça ne fait pas partie de l'islam. Ni vote, ni élection, ni parti politique, le fait de mettre en place un parti, comme le font la secte des frères musulmans et autres, ceci n'a rien à voir avec l'islam. Plutôt, nous voyons que Allah tabaraka wa ta'ala nous a interdit de nous diviser en sectes et en factions. Plutôt, il nous a ordonné de nous réunir tous autour du câble d'Allah. وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah, au câble d'Allah, selon l'explication que donne nos pieux prédécesseurs parmi les sahabes et ceux qui les ont suivis. Le câble d'Allah, c'est la ilaha illallah, kalimatu tawhid, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam et autres que cela, parmi les explications qui sont toutes des explications qui sont bonnes à l'exégèse de ce terme, le câble d'Allah, que nous nous cramponnions tous autour de cela, que nous ne nous divisions point. Et le fait de construire, de mettre en place des groupes et des partis politiques, ceci rentre sans aucun doute dans la division en religion, puisque chacun d'entre eux fait ce groupe politique, ce parti politique pour arriver au pouvoir. Donc il y aura des dissensions entre eux, des divisions, etc., tous pour arriver au trône, au pouvoir. Ceci n'a rien à voir avec notre religion et ceci n'est pas la voie des gens de la sunna sans condition. Barakallahu fikoum. Donc, à quoi ceci nous fait penser, cette deuxième méthode? Cette deuxième méthode, le fait de, que le gouverneur précédent désigne un groupe de personnes pour lui succéder et qu'après, les gens qui sont ceux qui détiennent le pouvoir chez les musulmans se réunissent autour d'une de ces personnes et le désignent comme étant le successeur, celui qui gouvernera après le gouverneur précédent. À quoi ceci nous fait penser? Le cours. Hein? Ahsant, barakallahu fik. Ashab al-Shura, les gens de la consultation, qui ont été désignés par qui? Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, si vous vous rappelez le cours précédent, barakallahu fikoum. La troisième manière, la troisième voie, menant à la prise du pouvoir, est une voie qui de base n'est pas légiférée. À sa base, ces deux voies-là, de base, elles sont légiférées. La troisième, comme le disent nos savants, est à la base non légiférée. Mais si une personne arrive au pouvoir par cette voie, eh bien cette personne-là, nous lui devrons l'obéissance. De base, elle n'est pas légiférée. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'emprunter cette voie pour arriver au pouvoir. Ceci, d'après tous les hadiths que je vais évoquer dans le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Comme ceci va vous apparaître clairement. Mais si une personne arrive au pouvoir de cette manière-là, nous lui devrons l'obéissance, comme ceci est un fondement de la sunna, comme vous l'avez entendu de la parole de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Et cette voie est celle qui a été évoquée ici par Sheikh Rabi', hafidahullah, lorsqu'il dit le fait de s'insurger, c'est-à-dire qu'une personne arrive au pouvoir en ayant utilisé la force. Le fait de s'insurger contre le gouverneur, de base, est quelque chose qui est interdit. Mais si une personne en vient là et arrive au pouvoir de cette manière-là par la force, elle arrive au pouvoir par la force, et que les gens lui acceptent cette position qu'il a prise par la force, eh bien cette personne-là deviendra le gouverneur des musulmans et nous devrons lui obéir. Quelle est la preuve de cela? La preuve que cette méthode, l'insurrection contre le gouverneur, est interdite, parmi les preuves, tous ces hadiths que vous avez déjà entendus à de maintes et maintes reprises et que vous connaissez tous et que nous allons rappeler ici dans le cours d'aujourd'hui, l'interdiction de s'insurger contre le gouvernement. Mais quelle est la preuve que cette personne-là, si elle arrive au pouvoir par cette méthode qui n'est pas une méthode légiférée de base, nous lui devrons quand même l'obéissance? C'est un hadith que je pense que la grande majorité d'entre vous connaît. Là. Barakallahu fik Mohamed. Ça, on va le voir un peu plus tard. Mais là, on parle de la personne qui est déjà gouverneur. Écoute et obéis, même s'il te frappe le dos et prend ton argent. Là, on parle d'une personne qui est déjà gouverneur et qui est injuste. Donc, on voit dans ce hadith qu'a cité votre frère Mohamed Zallah Khair, l'obligation de part l'ordre du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam d'écouter et d'obéir et de ne pas s'insurger contre lui. Ceci même si le gouverneur est injuste, il te frappe le dos, il te prend ton argent. Ahsant, ahsant, ahsant, barakallahu fik. Le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, écoutez et obéissez, et même si celui qui vous commande est un esclave abyssinien. Comment nous prenons ce hadith-là comme preuve? Car à la base, l'esclave abyssinien, cette personne-là, ne pourra pas arriver à cette place-là que de cette manière-là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-khilafatu fi Quraysh ». À la base, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre que le gouvernorat se trouve chez les gens de Quraysh. Donc comment à son époque, il nous dit aussi, il nous ordonne d'obéir et d'écouter, ceci même si celui qui arrive à votre tête sera un esclave abyssinien. Alors qu'il donna l'ordre que la gouvernance reste dans Quraysh, la tribu de Quraysh. Donc cette personne-là, pour arriver à cette place-là, il a dû emprunter cette voie. Cette voie qui, dans de nombreux hadiths, comme on va le voir, est une voie qui est interdite à la base, mais que lorsqu'une personne arrive à cette place-là, eh bien, on lui devra l'obéissance. car dans le fait de lui désobéir et de se révolter contre lui, il y a un grand mal, comme l'a cité ici Cheikh Rabi', Hafidhahullah, lorsqu'il dit: et ce même s'il a obtenu son autorité par l'épée en s'insurgeant contre l'imam, qu'il a précédé jusqu'à l'avoir dominé et avoir instauré son état. Car si tu t'insurges contre lui une deuxième fois, un autre le fera une troisième fois, et un autre une quatrième fois, la communauté vivra un conflit d'insurrection perpétuelle. Et la meilleure des voies est la voie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et les pires des voies et les plus mauvaises voies et les voies de l'égarement sont les voies de l'innovation religieuse, sans aucun doute. Puis Cheikh de dire... Hafidahullah, dans le sens de ces paroles, les Khawarij et les chiites, etc., s'accordent sur le point, sur ce point, c'est-à-dire celui du cas où ils estiment que l'autorité doit être pieuse. Ici, Cheikh nous parle d'une partie de ces sectes qui ne sont pas sur la même voie que la voie des gens de la Sunna concernant ce fondement. Et vous vous rappelez cette parole de certains parmi As-Salaf que j'ai évoqué précédemment à de maintes reprises, la parole de Abu Qilaba, rahimahullah, où il dit, hein, quelqu'un se rappelle de sa parole, Ahlul bid'a ikhtalafu fil ism wajtama'u 'ala as-sayf, c'est-à-dire les gens de l'innovation sont différents dans leurs appellations, ikhwan, tablir, Ahbash, kada wa kada wa kada. Mais ils se sont réunis autour de l'épée. Nous voyons que l'ensemble des gens de l'innovation, chacun a sa manière d'expliquer ce fondement, mais nous voyons qu'ils se sont réunis autour de l'épée, c'est-à-dire autour de l'autorisation de s'insurger contre le gouverneur. Et les gens de la sunna, et ceci fait partie de leur ghurba, de leur étrangeté, qu'a évoqué notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam a commencé étrange et elle redeviendra étrange comme elle a commencé, fait donc la bonne annonce aux étrangers. Ceci fait partie de leur étrangeté. Au milieu de tous ces groupes et de toutes ces factions, les gens de la sunna sont les seuls à appeler à l'obéissance au gouverneur, même s'il est injuste, qu'il soit bon ou injuste. Le shir de dire les khawarij, les chiites, etc. s'accordent sur ce point. Sur quoi ils s'accordent? Sur celui du cas où ils estiment que l'autorité doit être pieuse. C'est-à-dire pour eux, pour ces gens-là, si l'autorité n'est pas pieuse, nous ne lui devons pas d'obéissance. Et ne s'accorde pas s'il s'agit d'Abu Bakr, c'est-à-dire la différence entre Al-Khawarij et Shia, c'est le fait de s'accorder sur l'autorité d'Abu Bakr et de Omar ou de Ali. D'après les chiites, les deux premiers, Abu Bakr et Omar, comme vous l'avez entendu dans les cours précédents, ne sont pas pieux, donc nous ne leur devons pas d'obéissance. Plutôt, ils ont renié Al-Shia, Al-Rafida, ils ont renié la légitimité du gouvernorat de Abu Bakr et de Omar. Et d'après les Khawarij, comme le dit Al-Shia ici, le dernier ne l'est pas, c'est-à-dire Ali. Ils ont renié la légitimité de son autorité, plutôt, ils l'ont jugé de mécréants, comme les Shia ont jugé Abu Bakr et Omar de mécréants. Et au milieu de cela, sur la voie du juste milieu, les gens de la sunna, Ahlul sunnati wal jama'a, Ahlul hadithi wal athar, As-salafiyoun, comme il le dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, Ahlul sunna, a'rafu al-nasi bil-haq, wa arhamu al-nasi bil-khalq. C'est-à-dire, comme je l'ai évoqué, j'en évoquerai d'autres ici, des règles qui sont des paroles de Cheikh al-Islam, ce grand savant Ahmed, Ibn Abd al-Halim, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyat al-Harrani, rahimahullahu ta'ala, qui sont des paroles de cet imam, qui est appelé Cheikh al-Islam, et qui sont devenues chez les gens de la sunna comme des règles, des paroles courtes qui soutiennent de grands sens. Donc cette parole où il dit les gens de la sunna, Ahlus sunna, naqawatun nas, ce sont les meilleurs des gens les plus purs, et ils sont ceux qui sont les plus savants de la vérité, les plus connaisseurs de la vérité, et les plus miséricordieux envers al-khalq, envers les gens, envers les créatures. Nous le voyons dans ce fondement. Tous ces autres partis et sectes qui appellent à s'insurger contre le gouverneur avec tout ce qui vient et qui est inhérent à ces insurrections, ces révolutions, etc., etc., comme le fait de verser des sangs qui sont interdits et autres que cela, et à leur inverse, les gens de la sunna qui appellent à écouter et à obéir au gouverneur, ceci même s'il est injuste, même s'il te frappe le dos et prend tes biens. Au moment où il te frappe le dos et prend tes biens, comme l'a dit An-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, écoute et obéis même s'il te frappe le dos et prend tes biens, à ce moment-là, ce sera sur toi que pèsera la nuisance. Mais au moment où toi et autres que toi s'insurgeront contre le gouverneur, la nuisance pèsera sur l'ensemble de la communauté. J'évoquerai d'autres règles évoquées ici par les gens de la sunna concernant cela dans le cours. Donc, ici, nous disons que les gens de la sunna, encore une fois, sont les gens du juste milieu, au milieu de l'Khawarij et de Shia, et autres que parmi les sectes et les groupes égarés. Il dit donc, Shir, Habidallah, et d'après les Khawarij, le dernier ne l'est pas, donc Ali, radiallahu an, car il le juge de mécréant. Mais d'une manière générale, ils ne s'opposent pas à propos des critères relatifs à la piété. C'est-à-dire que l'ensemble d'entre eux jugent que l'imam doit être pieux pour être imam. Sinon, il n'est pas imam. On ne lui doit pas d'obéissance. Ils s'opposent plutôt en ce qui concerne le pervers. Nous voyons que les chiites, parmi les bases, les fondements de leur croyance, l'obligation, c'est-à-dire que le fait de prendre un imam, que les musulmans ont un gouverneur, un imam, quelqu'un qui est à leur tête, ceci est une obligation religieuse. Ceci est une obligation religieuse chez les gens de la sunna. Mais les chiites, les shi'a, ils voient que ceci fait même partie des fondements de la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de religion s'il n'y a pas d'imama. Et après cela, comme on l'a évoqué de maintes reprises par le passé, à partir de cela, ils voient que l'imam, pour être, bien sûr ici on parle de l'imama qui est le gouverneur des musulmans, il se doit d'être irréprochable. Et c'est pour cela qu'il lui attribue des attributs que l'on attribue qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de savoir l'invisible, de connaître le futur, etc., etc. Et à partir de là, il lui voue des adorations qui, sans aucun doute, comme l'ensemble des adorations ne doivent être vouées qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Puis il dit, Habidahullah, concernant le calife injuste et pervers, le calife ici donc le gouverneur, injuste et pervers, tant que ce dernier ne sort pas du cercle de l'islam, il n'est pas permis de s'insurger contre lui, quelles que soient les conditions. Et ceci nous le voyons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, dans le sens de ces paroles, Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et aux messagers, puis à ceux qui ont détenu le commandement parmi vous. Il dit ensuite, Hafidahullah, de nombreux hadiths ont été rapportés à ce sujet, parmi lesquels, dans la traduction approximative des paroles de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien, ici, Cheikh va citer plusieurs hadiths qui nous montrent l'obligation d'obéir au gouverneur, le gouverneur des musulmans, qu'il soit juste ou injuste, qu'il soit bon ou pervers. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, nous avons prêté serment au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les sahaba, ils disent, nous avons prêté serment au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'écouter et d'obéir dans la difficulté et dans la facilité, dans ce que nous aimons comme dans ce que nous détestons, que cela soit au détriment de nos propres âmes, et que nous ne discutions pas l'autorité tant que nous ne constatons pas de la mécréance avérée. Le hadith est clair, ce hadith se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, comme les autres hadiths que je vais citer ici. Les hadiths qui traitent de l'obéissance au gouverneur, qu'il soit juste ou injuste, font partie des hadiths qui ont le plus haut degré d'authenticité, car pour plusieurs d'entre eux se trouvent dans les deux recueils authentiques, le recueil de l'imam al-Bukhari comme celui de l'imam Muslim, ou dans l'un des deux. Puis il dit, Hafidahullah, Sheikh Rabi', il dit, il n'est donc pas permis de s'insurger contre une autorité, quel que soit son degré de perversion, tant que nous ne constatons pas une mécréance avérée, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit tu fais partie de ce groupe de Al-Khawarij, Al-Takfiriyoun, qui rendent mécréant le musulman pour un grand péché qu'il aurait commis, comme vous l'avez su dans les cours précédents, comme parmi ces cours, ceux qui traitent de Al-Shafa'a, de l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et autre que cela parmi ce que nous avons évoqué précédemment. Soit tu sais et tu es convaincu par cette voie, la voie des gens de la Sunna, qui est que le musulman ne sort pas de l'islam par des grands péchés qu'il aurait œuvrés, ou alors tu fais partie de At-Takfiriyoun qui rendent mécréant la personne qui aura commis un grand péché. Choisis la voie. Bien sûr, quand je dis choisis ta voie, je ne te donne pas le choix. Tu te dois de suivre la voie du Coran, de la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Ici, simplement, fais un retour sur toi-même. Soit tu es sur cette voie, soit tu es sur celle-là. Le chemin de vérité, la voie droite, est unique. Par contre, les voies de l'égarement sont nombreuses. Les voies de l'égarement sont nombreuses, pardon. Comme dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un trait dans le sol, un trait droit dans le sol, et a tracé à ses extrémités, à gauche et à droite, donc de nombreux traits. Et il a dit à ce moment-là, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, ceci est le chemin d'Allah. Ceci est le chemin d'Allah. Ce trait qui est droit au milieu. Le chemin d'Allah. Et ces chemins sont les chemins de l'égarement. Et à la tête de chacun de ces chemins, un shaitan qui y appelle. Un diable qui y appelle parmi les diables, parmi les djinns et les hommes qui appellent à ces chemins. Il dit donc, Hafidahullah, d'après le hadith d'Umm Salama, radiallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, certes vous serez dirigés par des chefs, des gouverneurs. Vous verrez en eux de bonnes et de mauvaises choses. Celui qui réprimandera en aura le salut. Celui qui détestera en sera innocent. Mais il s'agit de celui qui en sera satisfait et les suivra. C'est-à-dire que le péché sera sur celui qui sera satisfait de ses mauvaises choses et suivra ses mauvaises choses. Mais celui qui les réprimandera, et vous le verrez dans les hadiths qui vont suivre, que la réprimande contre le gouverneur ne se fait pas par la main, ni par la parole, mais plutôt elle se fait par le cœur. Si elle se fait par la parole, elle se fait de la manière légiférée que nous allons évoquer ici et que nous avons déjà évoqué précédemment, dans la manière de conseiller le gouverneur. Mais quand je dis qu'elle ne se fait pas par la parole, elle ne se fait pas en réprouvant du haut du minbar, yom al-jumu'a, ou lors des cours de sciences, ou dans les journaux, ou sur les réseaux sociaux, et autres que cela, parmi ces voies qu'empruntent les gens de l'innovation, pour appeler à la révolte contre le gouverneur. Regardez ce que le gouverneur a fait. Regardez, regardez. Il faut se révolter contre lui. Ça ne fait pas partie des chemins qu'empruntent les gens de la Sunna. Plutôt, lorsqu'ils réprouvent le gouverneur par la parole, ils le font en secret, comme nous allons l'étudier, comme nous l'avons déjà étudié précédemment, en secret, en le conseillant de la bonne manière. Donc ici, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, dans le sens de ces paroles, vous verrez en eux de bonnes et de mauvaises choses. Vous verrez dans vos gouverneurs de bonnes et de mauvaises choses. Celui qui réprimandera en aura le salut. Celui qui détestera, dans son cœur, en sera innocent de ces mauvaises choses. Mais, c'est-à-dire le péché, sera sur celui qui en sera satisfait et les suivra. On lui dit alors, n'allons-nous pas les combattre aux messagers d'Allah ? Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, non, tant qu'ils accomplissent la prière. Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Chir de dire, de commenter en disant, alors tant qu'ils accomplissent la prière, il n'est pas permis de s'insurger contre eux. Comment le faire si l'autorité, le gouverneur, l'autorité, accomplit la prière, le jeûne, donne la zakat, effectue le pèlerinage? Comme ceci est le cas des gouverneurs des pays musulmans. Comment en est-il si l'autorité accomplit la prière, le jeûne, donne la zakat, effectue le pèlerinage? Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la prière. Non, ne te révolte pas contre lui tant qu'il accomplit la prière. Qu'en est-il de nos gouverneurs? Qu'Allah les préserve et leur accorde le succès dans l'agrément d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce qui sera profitable pour leur peuple et leur pays. Amin. Qu'en est-il quand ces derniers accomplissent la prière, donnent la zakat, effectuent le pèlerinage? Puis Chir de dire, si elle garantit toutes ces choses aux musulmans, leur assure la sécurité des actes routiers, etc. parmi ces bonnes œuvres qui sont sans aucun doute comptées parmi leurs bonnes œuvres auprès d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comment le faire? Comment donc se révolter à ce moment-là? Puis Chir de dire, où en sommes-nous actuellement avec les révolutionnaires? Que disent-ils de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici? Les révolutionnaires, selon tout ce que implique ce terme révolutionnaire. Et la révolution l'insurrection contre le gouverneur se fait soit par l'épée, par les armes, qui est la manière la plus connue. Lorsque on dit que telle personne s'est révoltée contre le gouverneur, on pense directement à un coup d'État, un renversement par l'épée, etc. Mais avant cela, bien souvent avant cela, quand je dis avant cela, parce que ce renversement par l'épée, ou cette insurrection par l'épée, commence bien souvent par cette autre manière. Mais cette manière en elle-même, même si elle n'est pas suivie d'une insurrection par l'épée, est elle-même un khuruj, est elle-même une insurrection. L'insurrection par la langue, ou par les écrits, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, par des khutab, par des sermons sur le minbar, en disant « Regardez un tel et un tel ce qu'il fait », par des écrits, par des cours, et toutes ces choses-là, par des manifestations. Les manifestations, oui, les manifestations, ça constitue une insurrection contre le gouverneur. Le gouverneur n'accepte pas cela. Et même s'il l'acceptait, cette manière-là n'est pas une manière des gens de la sunna de faire valoir leurs droits. Comme vous allez le voir, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur la manière de faire valoir tes droits. Il l'a dit clairement, sallallahu alayhi wa sallam, soit tu crois en la véracité de ce prophète, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam, ou soit tu n'y crois pas. Ou soit tu y crois, mais tu n'y prêtes pas attention. Wal'iyadu billah. Par ces grèves, ces manifestations, et même si ces manifestations sont pacifiques, comme ils le disent, même si ces manifestations sont pacifiques. Il dit donc, où en sommes-nous actuellement des révolutionnaires? Que disent-ils de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que voici? Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam leur interdit. Non, tant qu'ils accomplissent la prière. Malgré leur laxisme en islam, il répondit non. Malgré le laxisme des gouverneurs en islam, il répondit non. Nous n'allons pas, lorsque les compagnons ont dit, n'allons-nous pas les combattre? Il répondit non. Tant qu'ils accomplissent la prière. Et il n'a pas dit non tant qu'ils accomplissent la prière. Donne la zakat, effectue le pèlerinage, etc., etc. Il dit non tant qu'ils accomplissent la prière. Pour quelle raison? Parce que l'insurrection, ici c'est la parole de Cheikh Rabia, donc que je lis encore, Havidahullah. Parce que l'insurrection génère des conséquences néfastes, perte d'islam, des musulmans, décimation de la communauté, saccagement des cultures et progénitures, atteinte à la dignité, humiliation et affaiblissement des musulmans, les rendant une proie facile pour les ennemis, ce serait un cycle d'insurrection. Puis il dit, aujourd'hui, chers frères, ces révolutionnaires ont eu des états via des coups d'état. Ils sont arrivés à constituer des états par le biais de coups d'état. Des élections, comme on l'a dit, les élections ne sont pas une voie à emprunter par les musulmans, etc. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils réalisé avec ces slogans? Ils sont parmi les gens les plus éloignés pour appliquer la loi islamique. Ceci est la voix des frères musulmans. Ce sera la dernière question que je traiterai avant la prière. Ceci est la voix des frères musulmans. Ces derniers qui ont embelli aux gens l'insurrection et la révolte contre leur gouverneur, en prétendant que si eux, ils étaient élus, parce que bien sûr, lorsqu'ils ont embelli cette insurrection contre le gouverneur, ils ont constitué des partis, soit ils avaient des partis précédemment, des partis politiques, ou soit ils les ont constitués à ce moment-là, lorsqu'ils ont vu qu'ils pouvaient prendre l'opportunité, ils ont constitué ces partis politiques pour pouvoir eux-mêmes être élus gouverneurs. Donc ils ont embelli l'insurrection aux gens, aux musulmans, à la masse des musulmans, puis ces derniers n'ont rien fait pour l'islam lorsqu'ils sont arrivés au trône. Ils ont embelli, comme ils continuent de l'embellir, le fait que les frères musulmans, ce parti, selon toutes les sortes de partis, parce qu'il faut savoir que les frères musulmans est le nom que nous donnons à cette faction égarée, mais beaucoup de partis politiques, et même de partis qui ne sont pas des partis politiques, se revendiquent de cette voie-là. Et même ceux qui ne se revendiquent pas de cette voie-là, ce n'est pas parce qu'ils ne se revendiquent pas de cette voie-là que nous ne les jugeons pas des gens qui font partie de cette faction et de cette secte. Parce que au moment où une personne, comme on l'a déjà évoqué concernant Al-Khawarij, au moment où une personne avance sur la voie d'un groupe égaré et a des fondements dans ses fondements, qui sont des fondements de ces groupes égarés, à partir de là, nous les jugeons comme tels. Même si cette personne dit, moi je ne fais pas partie des frères musulmans, mais tu as la voix des frères musulmans. Ta croyance et ta voix et ton manhaj, ta méthodologie est construite sur la méthodologie des frères musulmans. Tu es un frère musulman pour nous, même si tu n'as pas de parti politique, même si tu n'appelles pas à cela, etc., etc. Parmi tes fondements, ces fondements qui ont été mis en place par les frères musulmans. Donc tu fais partie des frères musulmans pour nous. Revenez au cours précédent concernant le jugement d'innovateur de celui qui est tombé dans telle et telle innovation, comme je l'ai évoqué précédemment. Et regardez ces gens, les frères musulmans en l'occurrence, comment ils ont embelli l'insurrection aux musulmans en prétendant qu'eux-mêmes allaient appliquer la loi islamique, eux-mêmes allaient pratiquer l'islam véritable. Et au moment où ces derniers sont arrivés au pouvoir dans certains pays, comme par exemple en Égypte, lorsque cette personne, Mohamed Morsi, qui faisait partie des têtes des frères musulmans, a été mis au pouvoir par son parti, à ce moment-là, pendant une année, il a réussi à détruire tout ce que son prédécesseur, qui sans aucun doute était quelqu'un qui était injuste, qui avait des injustices, ceci, nous ne le remettons pas en cause. Ce que nous ne remettons pas en cause surtout, c'est cette parole de l'imam Ahmed, comme ceux qui l'ont précédé. Écouter et obéir aux imams et à l'émir des croyants, qu'ils soient pieux ou pervers. Comme l'a dit l'imam Tahawi, comme vous l'avez entendu, qu'ils soient justes ou injustes. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Isma' wa ati' wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk » Écoute et obéis même si on te frappe le dos et on te prend tes biens. Ceci, nous ne le remettons jamais en cause. La voix des gens de la sunna et du groupe Ahl sunnati wal jama'a. Et donc, en une année, il a réussi à remettre... a amené l'État à laquelle il a été à la tête à une descente que cet État n'a pas connue pendant de nombreuses années aux mains de son prédécesseur. Cette personne qui lui à la base, Mohamed Morsi, qui fait partie des têtes des frères musulmans, qui a été placé là par son parti, qui prétendait qu'il allait appliquer l'islam véritable, mettez-moi au pouvoir car moi j'appelle à l'islam véritable, cette personne-là, ce prédécesseur était injuste, n'appliquait pas l'islam, ne donnait pas la parole, etc., etc. Et regardez cette personne-là, comme d'autres que lui, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait pour l'islam? Plutôt nous voyons ceci par ses mots, des choses qui sont enregistrées, nous n'avons-t-on pas sur lui. Il dit que la divergence qu'il y a entre nous et les chrétiens est juste une divergence de dynamique. Allahu Akbar. Donc, la divergence qu'il y a entre nous et les chrétiens, ce n'est pas une divergence dans les fondements de la croyance. Comme il le dit lui-même, il le dit à mon ami intime et mon bien-aimé, un tel parmi les gouverneurs de l'État des Juifs, qui s'appellent eux-mêmes Israël. Mon ami intime, mon bien-aimé. Donc la divergence qu'il y a entre toi et les chrétiens et les juifs, ce n'est pas une divergence de croyance. Ici, faites bien attention, comme on a l'habitude de le rappeler, le fait que nous affirmions que nous sommes divergents avec eux et que ces gens-là ne sont pas que la religion de vérité est l'islam et que toute autre religion est caduque, ceci ne remet pas en cause le fait que nous respectons ces gens et que nous n'appelons pas à leur faire du mal, etc., etc. Faites bien attention à cela. Ces deux choses-là sont des choses bien distinctes. Mais ici, nous mettons en évidence la parole de ces gens parmi les têtes des frères musulmans. Et comme vous l'avez entendu dans des cours précédents, les paroles de Hassan al-Banna, le fondateur des frères musulmans, et autres que cela, comment ils appelaient certaines personnes au sein de leur parti même, qui s'appelle les frères musulmans. Le parti qui s'appelle les frères musulmans, un tel Louis Fanous, qui était un chrétien, mais qui fait partie du parti des frères musulmans. Notre frère, Louis Fanous. Les chrétiens et les juifs ne sont pas nos frères. Ce sont des gens qui sont sur une religion qui n'est pas la nôtre, qui ne sont pas sur la vérité. Ceci, le musulman en est persuadé. Barakallahu fikum. Donc ceci est la voix de ces gens-là. Et Eshir, de terminer, on va terminer sur cela en disant, d'ailleurs, ils font pire que les autres dirigeants, ces personnes-là qui sont arrivées au pouvoir par ces biais-là et qui font partie de ces groupes égarés. D'ailleurs, ils font pire que les autres dirigeants corrompus, et ce, en organisant des sommets appelant à l'unicité des religions, en construisant des églises, en humiliant les musulmans, en les rendant pauvres et en détruisant leur religion et leurs biens. Ceci est quelque chose que même si une personne n'accepte pas, et c'est un malheur pour lui, n'accepte pas les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous avons évoquées ici, c'est un grand malheur pour lui. Même s'il ne les accepte pas, il ne peut pas démentir ce qu'il voit et ce qu'il entend, ce qui s'est passé pendant ces dernières années, de ce qui a été appelé en tort dans les, à tort dans les pays musulmans comme étant le printemps arabe. Cette destruction de nos pays par la main de certaines personnes qui sont parmi les enfants de ses propres peuples. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a mis en garde contre comme dans ce hadith qui est rapporté dans le Sahih d'Al-Imam Muslim, rapporté par Hudhayfa ibn al-Yaman, qui lui-même disait les gens demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien et je l'interrogeais à propos du mal par peur qu'il ne m'atteigne. Par peur que le mal ne m'atteigne. Donc il se renseignait à propos de choses qui pouvaient lui nuire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui évoqua un groupe de personnes, de hât, ala abouabi jahannam, des prédicateurs, des prêcheurs aux portes de l'enfer. Min bani jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ils font partie de nos enfants, de notre peuple et ils parlent notre langue. Ces gens parmi les de hât, des frères musulmans, de ces groupes égarés, qui ont détruit combien de pays musulmans pendant ce qu'ils ont appelé à tort le printemps arabe. Alors que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme vous l'avez entendu, des hadiths qui sont au plus haut degré d'authenticité, dans le Bukhari et Muslim, certains dans les deux recueils authentiques, certains dans l'un des deux, où il nous ordonne à de maintes et maintes reprises d'obéir au gouverneur, et ceci même s'il est injuste. Car dans cela, il y a un bien pour le peuple et la terre. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.